Chapitre 13e. Une fois persuadé que des armoises ne songeaient pas à Mademoiselle Sénéchal, Joseph Toussaint sentit l'espoir entrer tout doucement en lui. Sa mésaventure du confessionnal avait modéré ses élans religieux. La vue d'Angèle entraîna de nouveau son âme flottante vers les préoccupations mondaines. À ses heures de loisir, il devint le visiteur assidu de l'appartement de la rue Monsieur le Prince. Il oublia peu à peu le triste écroulement de ses premiers projets et ne se souvint que des heures délicieuses qu'il avait passées jadis au logis de la rue de Savonnières. À la lumière des yeux d'Angèle, à la musique de sa voix, le charme recommença, la chaîne des illusions se reforma plus enveloppante et plus solide. Madame Sénéchal accueillit Joseph d'une façon encourageante. Les dévouements aveugles se devinent. La bonne dame sentait qu'elle trouverait dans l'adoration fervente de Toussaint un puissant auxiliaire. Elle était plus à l'aise avec lui qu'avec René pour causer de ces mille petites misères de la vie matérielle dont elle faisait un secret à sa fille. L'amoureuse abnégation de Joseph lui semblait une matière servile et maniable. Elle en usait et en abusait sans scrupule. Les temps devenaient durs. La petite provision d'argent s'épuisait. Et déjà la mère Sénéchal avait été obligée de recourir à cette providence des ménages aux expédients, le mont de piété. La montre et la tabatière d'or du père Sénéchal, les pendants d'oreilles et la jeannette qu'avait composée la modeste parure de noces de madame Sénéchal y avaient déjà passé. C'était Toussaint qui se chargeait, avec un secret effroi, de porter ces vieilles reliques à la succursale de la rue de Condé. On prêtait peu de choses sur ces pauvres bijoux, mais le brave garçon y ajoutait l'argent de ses économies et forçait sans trop de difficulté la vieille dame à l'accepter. De toute cette misère menaçante, Angèle ne voyait rien encore. Elle vivait dans l'atmosphère radieuse des premières heures de l'amour. La joie de posséder le cœur de René, d'entendre le poète lui répéter d'enthousiastes formules d'admiration, la volupté de s'endormir le soir en disant « il est à moi », de se réveiller le matin en songeant « je vais le revoir », suffisait à lui fermer les yeux sur les difficultés du présent et les menaces de l'avenir. Elle avait retrouvé sa gaieté d'oiseau, sa légèreté de papillon et tout s'en ressentait. Joseph, charmé de la voir heureuse et de l'entendre rire, n'en demandait pas davantage. Les assiduités de René ne faisaient même pas germer un soupçon dans son esprit. Du reste, le pauvre garçon, si habile à se sonder et à s'analyser, si constamment occupé à se questionner sur l'état de son âme, était d'une myopie sans égale pour tous les accidents de la vie extérieure. Il ne voyait le problème qu'au fond de lui. Les événements du dehors lui paraissaient d'une clarté et d'une simplicité qui n'effrayaient guère sa bonhomie. Et puis, toujours un peu intimidé par la présence d'un tiers, il venait de préférence aux heures matinales où la mère Sénéchal était seule avec sa fille. Une fois Angèle partie, il restait des heures en tête-à-tête avec la vieille dame et prêtait une oreille attentive à ses éloges exaltés du talent de sa fille, à ses projets chimériques, à ses lamentations sur l'aveuglement du public et la stupide indifférence des directeurs. « Et pourtant, » dit un matin Madame Sénéchal, « il serait grand temps qu'on rendît justice à Angèle et qu'on se décide à lui offrir un engagement. » Car nous sommes au bout de notre rouleau, mon pauvre monsieur Toussaint. Jusqu'ici, j'amadouais les fournisseurs en leur parlant du bel avenir de ma fille et de son entrée prochaine aux Français. Mais ces gens-là n'ont point de patience. Notre crédit est perdu dans le quartier. Ce matin, le charbonnier m'a refusé du charbon. Il s'en est allé, criant dans l'escalier que l'engagement d'Angèle était une farce. Monsieur la Genevrais nous avait promis monts et merveilles, mais c'est un donneur d'eau bénite. Et voilà un mois qu'on ne l'a revue. » Toussaint écoutait en silence et avait l'air de ruminer lentement les paroles de Madame Sénéchal. Il quitta la maison plus tôt que d'habitude et resta une semaine sans reparaître. « Allons, » pensait la mère Sénéchal, « encore un qui nous plante là, parce qu'il nous voit dans l'embarras. » Elle était furieuse de l'abandon de Joseph et ne lui pardonnait pas son apparente indifférence. Comme un soir, Angèle et René s'étonnaient de la soudaine éclipse de Toussaint. « Votre libre use de Toussaint » s'écria-t-elle dans ce dialecte neusien, dont l'accent et les expressions lui revenaient plus franchement aux heures de bile. « C'est un flagorneur et un égoïste. On a bien raison de dire, tant qu'on est heureux, on a des amis qui vous lèchent les mains. Mais sitôt que la fortune fait semblant de vous quitter, les amis vous lâchent d'un cran. » Elle acheva à peine sa doléance qu'on frappa, et une fois la porte ouverte, ce fut Joseph qui apparut avec une mine à la fois joyeuse et mystérieuse. « Ah, c'est vous, » grogna la dame. « Je croyais que vous aviez oublié le chemin de chez nous. »« Vous oubliez ?»« Non. Seulement, avant de revenir, je voulais terminer une affaire qui a pris plus de temps que je ne pensais. » Il enfonça ses mains dans les poches de son pantalon et regarda ses trois auditeurs en écarquillant les yeux. « J'ai une nouvelle à vous annoncer. »« Quelle nouvelle ? Votre entrée au séminaire ?» dit méchamment Madame Sénéchal, dont le visage restait renfrogné. « Nanny, il s'agit d'une entrée dans un monde beaucoup plus profane, devinez. Vous allez vous marier ?» demanda Angèle en riant. « Non !» se récria Joseph, irrité de voir une pareille hypothèse admise facilement par Angèle. « Vous donnez tous votre langue au chat ?»« Eh bien, je vais vous dire, moi. Mon patron, le sénateur, bien que très ardent catholique, n'est point insensible aux plaisirs mondains. Il ressemble à cet abbé Pellegrin, qui dînait de l'hôtel et soupait du théâtre. Il a contribué à la nomination du directeur de l'Odéon, et il a sur lui une grande influence. Je lui ai parlé du talent de Mademoiselle Angèle, et j'ai si bien manœuvré qu'il a consenti à la recommander. Bref, nous avons obtenu une promesse d'audition, et voici une lettre qui convoque Mademoiselle pour mardi à 14h. Il tira de sa poche une enveloppe carrée. Angèle poussa un cri de joie et, s'élançant vers Joseph, lui prit les deux mains. « Embrasse-le donc !» s'écria la mère Sénéchal. Elle obéit, et pour la première fois, Toussaint pressa contre son cœur la poitrine palpitante de la jeune fille. Il posa sur ses joues deux gros baisers bien respectueux et bien émus. Toutes les figures avaient changé d'expression. Celle de Madame Sénéchal s'était illuminée ainsi qu'un paysage au soleil levant. René jouait l'indifférence, comme si cette nouvelle eût été la chose la plus simple du monde. Après la première explosion de joie, Angèle était devenue pensive. Son amour pour René avait modifié toutes ses façons de sentir. Ah, si des armoises lui eût apporté cette lettre d'audition, comme elle eût été autrement triomphante. Elle était presque triste de voir que Joseph avait réussi là où René n'avait même pas fait une tentative, et elle demeurait silencieuse. « Eh bien, » reprit la mère Sénéchal, « voilà tout ce que vous dites pour sa peine. Embrassez-moi, mon pauvre monsieur Toussaint. Je savais bien, moi, que vous étiez un brave cœur et qu'on pouvait compter sur vous. » Il fondit dans les bras du malheureux Joseph, fort embarrassé de cette effusion.